بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. ملك الناس. Roi des hommes. إله الناس. Dieu des hommes. من شر الوسواس الخناس. Contre le mal du tentateur, qui toujours se dérobe. الذي يوسوس في صدور الناس. Qui susurre le mal dans les cœurs des hommes. من الجنة والناس. Qu'il soit quant à lui djinn ou homme.